comment vivre dans la promesse de ton amour. Un amour qui me dise qui luttera pour moi comme je lutte jusqu'au bout pour toi. Un amour qui avoue le mot amour sans l'ombre d'une honte, sans comparer les souvenirs amers, qui ne blâme pas mon histoire, ni ne craigne mes délires, qui atteigne les étoiles quand les dieux nous auront choisis, qui abandonne la carapace des habitudes et des complicités et même atteigne les étoiles quand les dieux nous auront choisis, qui abandonne la carapace des habitudes et des complicités et mêle ses desseins aux miens, un amour infini comme le mien pour toi. Comment vivre dans la promesse de ton amour? Un amour qui me dise qu'il luttera pour moi comme je lutte jusqu'au bout pour toi. Un amour qui avoue